pourra chanter les accords de la liberté. Il chantera le flamenco dans une Espagne sans Franco. Ce sera fête ce jour-là et moi je voudrais être là pour écouter le flamenco. Le vent de l'histoire a tourné près de la Méditerranée. Le vent de l'histoire a tourné. Luthier prépare pour demain une guitare de tes mains. Elle jouera le flamenco dans une Espagne sans Franco. Sortez les chaises des cafés, faites briller tous les pavés. On dansera le flamenco. Le vent de l'histoire a tourné près de la Méditerranée. Le vent de l'histoire a tourné. Picasso sera invité, Casals sera ressuscité. Il y aura Federico et tous ceux qui sont morts trop tôt. Il y aura fête ce jour-là et moi je voudrais être là pour écouter le flamenco. Le vent de l'histoire a tourné près de la Méditerranée. Le vent de l'histoire a tourné. Le vent de l'histoire a tourné près de la Méditerranée.